Chapitre 128. La permission de s'allonger sur le dos, les jambes croisées, si l'on ne craint pas de découvrir ses parties intimes, et de s'asseoir en croisant les jambes ou bien les bras autour des jambes pliées devant soi. 820. Abdullah ibn Yazid, radiyallahu anhu, rapporte avoir vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans la mosquée, allongé sur le dos et les jambes croisées. Al-Bukhari et Muslim. 821. Selon Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir accompli la prière de l'aube, subh, restait assis à sa place, les jambes croisées, jusqu'à ce que le soleil se lève et devienne blanchâtre. Hadith authentique, rapporté notamment par Abu Daoud à travers des chaînes authentiques. 822. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte qu'il vit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, assis devant la porte de la Kaaba, les bras autour de ses jambes pliées devant lui. Il décrivit cette position, appelée « Qurfusa », à l'aide de ses bras. Al-Bukhari. 823. Qayla bint Makhramah, radiyallahu anha, a dit « J'ai vu le prophète, alayhi salatu wassalam, assis, les bras autour de ses jambes pliées devant lui, en Qurfusa. En le voyant dans cette position, pourtant si humble, je fus saisi de crainte. » Abu Daoud et At-Tirmidhi. 824. Al-Sharid ibn Suwayd, radiyallahu anhu, a dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passa un jour à côté de moi alors que j'étais assis, la main gauche derrière mon dos, prenant appui sur la paume de ma main. Il me dit alors « T'assieds-tu comme ceux qui ont encouru la colère d'Allah ?» Abu Daoud avec une chaîne authentique.